On a vu des aventuriers. Nager dans la mare sombre. Le soleil chaud gigoté. Dans le chemin des prés. On a vu l'orage sombre. Curieux sur le chemin. Des trucs dans la mare. C'est bizarre. On a vu des nénuphars gigoter. Dans la mare jaune. Des jardins fous. Dans un arbre joyeux. On a revu ces gendarmes au bord du trottoir bleu. Ils dansaient. Ils dansaient ? Oui, ils dansaient. On a vu des chèvres minuscules. Et dansaient elles aussi sur le chemin des prés et de jolis arbres. Arbres. Petits. Curieux. Sombres. Chauds. Timides. Sauteurs. Yeah. Yeah.